Quand on a une vie remplie de l'Esprit, l'Esprit Saint vit à travers nous pour révéler le caractère de Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comment reconnaître un chrétien rempli de l'Esprit? Il peut être difficile de répondre à cette question. Nous connaissons tous des personnes qui se disent chrétiennes, mais dont les actions et les attitudes ne correspondent pas à leur profession de foi. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous rappelle qu'une vie remplie de l'Esprit se reconnaît à son fruit. L'étude que vous allez entendre vous indiquera les vérités à retenir pour déterminer si le fruit que nous voyons vient de l'Esprit ou non. Avant de débuter l'émission, il est bon de se rappeler que nous ne produisons pas le fruit de l'Esprit, mais que le fruit porte le nom de son Créateur, l'Esprit. Voici à quoi ressemble une vie remplie de l'Esprit. Vous écoutez les enseignements bibliques de Charles Stanley. Dieu désire que tous les croyants soient remplis de l'Esprit Saint. Mais que signifie cette expression? C'est volontairement remettre notre vie entre les mains de l'Esprit Saint qui habite en nous, et c'est marcher en étant continuellement et consciemment dépendant de la direction du Saint-Esprit. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Nous nous intéresserons aux 8 premiers versets. Une vie remplie de l'Esprit, c'est une vie totalement dépendante du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne le salut et dépendante du Saint-Esprit. Ce dernier nous aide à faire ce que nous sommes incapables d'accomplir de nous-mêmes. Jésus explique ce point à l'aide d'une comparaison charmante et inoubliable. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus illustre la vie remplie de l'Esprit à l'aide d'une vigne. Le cep ou le tronc de la vigne représente Jésus-Christ. Les serments ou les branches représentent les croyants. Nous, les croyants, avons été entés à cette vigne. Nous faisons maintenant partie de la vigne. La sève qui circule dans la vigne circule dans les branches ainsi que dans le tronc. C'est elle qui permet de produire les grappes de raisin. Les branches ne produisent rien, mais elles portent le fruit que la sève aide à produire. Ainsi donc, la vie qui se trouve dans le cep se rend aux branches qui, elles, portent le fruit. Jésus dit que la vigne est une illustration de notre relation avec lui. Il dit que nous demeurons en lui et que nous faisons partie de lui et que nous sommes hantés ou enracinés en lui. Il parle non seulement de notre relation personnelle avec lui, mais aussi de notre entière dépendance de lui. Nous devons tirer de lui la sève dont nous avons besoin pour porter le fruit de l'Esprit dans notre vie. Lorsque nous examinons cette relation, nous découvrons le principe fondamental de la vie chrétienne, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre chrétiennement par nos propres forces. Cela est absolument impossible. Une vie remplie de l'Esprit n'est pas possible grâce à des actions que nous commettons, mais grâce à des actions que l'Esprit accomplit à travers nous. C'est cela une vie remplie de l'Esprit. Dans le passage que nous avons lu, il est mentionné que nous devons porter du fruit, et même porter beaucoup de fruits. Relisons le verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous glorifions Dieu par notre vie en portant du fruit. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet spécifique. Comment reconnaître une vie remplie de l'Esprit? À quoi ressemble une telle vie? Comment identifier un chrétien rempli de l'Esprit? J'aimerais d'abord considérer les préjugés que nous avons quand nous pensons à une personne qui est remplie de l'Esprit. En général, nous croyons, en effet, qu'un chrétien qui a la plénitude de l'Esprit fréquente l'Église, lit, fait de bonnes œuvres, donne de l'argent à l'Église et témoigne de sa foi. Nous pensons à tort que ces actions prouvent la spiritualité d'une personne. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. D'un autre côté, le fruit de l'Esprit ne nous rend pas plus sanctifiés ou plus saints que les autres. Cela ne fait pas de nous un fanatique spirituel. Cela ne signifie pas que nous devenons très spirituels. Cela ne signifie pas que Dieu nous aime plus que les autres ou que nous avons plus de dons et de talents que les autres. Cela ne signifie pas davantage que vous ne commettrez plus de péchés et que vous allez devenir parfait. Une vie remplie de l'Esprit est une marche constamment sous le contrôle de l'Esprit et une vie soumise à l'Esprit, dépendante de lui et sensible à sa présence. Rappelez-vous que l'Esprit est une personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur personnel, l'Esprit vient habiter en nous, dans notre esprit, et nous scelle comme enfants de Dieu. L'Esprit accomplit beaucoup de choses en nous, par exemple, entre autres, il nous guide, il nous enseigne et il nous console. Cependant, son action principale, c'est de développer en nous une vie conforme qui reflétera le caractère de Jésus-Christ. La tâche principale de l'Esprit, c'est de développer en nous le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Jésus-Christ. Si vous désirez savoir à quoi vous ressemblez sans Dieu, notez ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, les versets 19 à 23. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous agissons ici lorsque nous n'avons pas Dieu. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas si méchant. Prenez le temps de vous examiner honnêtement. Vous verrez que de nombreux péchés ne sont pas mentionnés dans ces trois versets. Cependant, ils nous donnent tout de même une indication de ce que nous sommes sans Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul décrit à quoi ressemble la marche d'une personne remplie de l'Esprit, la marche d'une personne soumise à l'Esprit, contrôlée par l'Esprit de Dieu. Bref, la marche d'une personne qui s'appuie sur l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Notez un détail intéressant. L'apôtre Paul a appelé le fruit de l'Esprit une grappe de 9 éléments et il n'en a pas défini un seul. Il n'a pas défini l'amour en se fondant sur les mots grecs traduits par amour en français. Il n'a pas défini la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Il les a simplement mentionnés. Il a dit, « C'est cela le fruit de l'Esprit, au travail maintenant. » Il ne nous a pas conseillé de nous fixer des buts, des objectifs pour devenir plus patients, plus aimables, plus doux, plus fidèles. Il ne nous a pas demandé de nous fixer des objectifs. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Que se produirait-il si nous nous fixions ce genre d'objectifs? Nous ferions des efforts pour devenir plus bienveillants, mieux nous maîtriser, devenir plus patients, devenir plus doux. Nous ne réussirions qu'à échouer en définitive. Vous pensez peut-être que parfois vous réussissez. En fait, même une personne non-croyante peut parfois réussir occasionnellement. Vers la fin du message, je vais vous démontrer que seul l'Esprit peut produire ce fruit et dans quelles circonstances il peut le faire. Je désire que vous compreniez que Dieu ne nous demande pas d'essayer de porter le fruit de l'Esprit, parce que ce n'est quelque chose que nous pouvons produire de nous-mêmes. N'oubliez pas les paroles de Jésus. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Tout comme la branche ne peut porter de fruit d'elle-même, vous ne pouvez pas produire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi et la maîtrise de soi par vos propres efforts. La branche ne peut pas porter de fruits sans être attachée au cep. De même, vous ne pouvez pas porter le fruit de l'Esprit sans être hanté à Jésus-Christ. La marche chrétienne n'est pas une vie naturelle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui vit en nous, qui nous permet de vivre une vie spirituelle. Il le fait à condition que nous soyons prêts à lui céder le contrôle de notre vie, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Nous devons remettre les commandes de notre vie à l'Esprit de Dieu. L'Esprit peut manifester la vie du Seigneur Jésus en nous en autant que nous lui remettions le contrôle de notre vie. Par contre, plus nous voulons être égoïstes, centrés sur nous-mêmes, faire les choses à notre façon et contrôler nous-mêmes notre vie, moins l'Esprit peut produire son fruit en nous. Une vie remplie de l'Esprit est une vie dans laquelle se manifeste celle de l'Esprit. Ainsi, cette vie révélera le caractère de Jésus-Christ et honorera Dieu. Lorsque je réfléchis à cela, est-ce que cela signifie que je ne pécherai plus? Non. Est-ce que cela signifie que je serai parfait? Non. Vous ne serez pas étrange, ni parfait, ni super spirituel. Vous aurez une vie surnaturelle, mais vous ne serez pas super spirituel. Le critère pour déterminer si une personne est remplie de l'Esprit, ce ne sont pas ses œuvres, mais le fruit qu'elle porte. Je ne veux pas attacher peu d'importance aux œuvres. En fait, ce sera le sujet du prochain message. Si l'Esprit de Dieu est aux commandes de notre vie, nous œuvrerons pour le Seigneur. Cependant, le fruit de l'Esprit touche le caractère. Le fruit de l'Esprit concerne ce que nous sommes et non ce que nous faisons. J'aime bien le répéter parce que cela est important. Une personne remplie de l'Esprit marchera à tout moment sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, soumis à l'Esprit et sensible à ses directives. L'Esprit sera aux commandes de sa vie. Cela signifie que, dans toutes les circonstances, en ce qui concerne toutes nos décisions, toutes nos relations, nous serons sensibles à la direction de l'Esprit, direction que nous accepterons. Maintenant, en retenant ce qui vient d'être dit, j'aimerais aborder un problème majeur. Ce problème, c'est que nous substituons à une vie remplie de l'Esprit. Nous vivons dans un monde orienté vers l'activité, et c'est pour cela que nous cherchons des gens très actifs qui visent un but, qui sont progressistes et ambitieux. Il n'y a rien de mal en soi dans tout cela. Malheureusement, nous utilisons la même méthode, pensant nous améliorer, pensant pouvoir faire mieux, pensant pouvoir plaire à Dieu, alors que nous n'y arriverons jamais par les méthodes du monde. Les gens substituent l'activité au port du fruit. Ils s'y sentent plus à l'aise car il leur semble que c'est un objectif plus facile à atteindre. Lorsque nous accomplissons des tâches et des œuvres, nous pouvons nous sentir plus spirituels. Par exemple, ne pensez-vous pas qu'il est plus facile d'enseigner la Bible que d'aimer votre ennemi? Il est plus facile de prêcher que d'être patient lorsque les choses ne vont pas comme nous l'aimerions. Ne trouvez-vous pas qu'il est plus facile de servir le Seigneur d'une certaine façon, de chanter dans la chorale par exemple, ou de donner quelque chose à quelqu'un, que d'être aimable avec quelqu'un qui vient de vous agresser verbalement? Ne pensez-vous pas qu'il est plus facile de servir le Seigneur que d'éprouver de la joie lorsqu'une tuile vient de vous tomber sur la tête et que vous ne savez pas quoi faire? Si nous examinons la liste des 9 éléments du fruit de l'Esprit, nous serons tous d'accord pour affirmer qu'il est plus facile d'agir, de servir et de se tenir occupé que d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Si donc nous substituons l'activité au fruit, tout semble bien aller. Il est tellement plus facile d'être actif que de porter du fruit. Aujourd'hui, nous considérons qu'un chrétien spirituel est un chrétien qui fait certaines activités. Cependant, un croyant peut faire de nombreuses activités, accomplir des tâches, sans être rempli de l'esprit, car être rempli de l'esprit, c'est être continuellement sous le contrôle de l'esprit, être sensible à ses directives et s'y soumettre. C'est dépendre de l'esprit qui est aux commandes de notre vie. Nous sommes très habiles pour trouver des substituts à une vie remplie de l'esprit. Dans nos églises contemporaines, nous trouvons deux substituts communs à une vie remplie de l'esprit ou à une vie qui reflète les fruits de l'esprit. Nous pensons qu'une personne a la plénitude de l'esprit parce qu'elle a des dons et des talents naturels. Nous substituons les dons et les talents à l'amour, à la joie et à la paix que produit en nous l'esprit. Rappelez-vous que lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, l'Esprit Saint est venu habiter en vous. Il vous a scellé et il vous a donné des dons. C'est l'Esprit de Dieu qui détermine quels dons il vous donne. Lorsque vous lisez la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous constatons que nous ne pouvons pas présenter à Dieu une liste des dons que nous désirons avoir. L'Esprit distribue les dons à qui il veut. C'est sa responsabilité. Cela est aussi vrai des talents naturels. Nous venons tous au monde avec différents talents. Ceux qui affirment qu'ils n'ont pas de talent accusent Dieu de les avoir oubliés. Ce qui n'est jamais vrai. Nous avons tous des talents ainsi que des dons spirituels. Si tous les croyants ont des dons spirituels, nous devons admettre que tous ne marchent pas dans la plénitude de l'Esprit. Avoir des dons spirituels et des talents, les mettre à la disposition de l'Église, ne garantit pas que nous sommes des croyants remplis de l'Esprit. Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple. Ce que je vais dire s'applique aux croyants d'une Église et non aux gens du monde. Les chrétiens ont des dons. Certains ont le don de prêcher ou d'enseigner, d'autres de chanter. La liste de dons possibles est longue. Nous pouvons utiliser nos dons spirituels alors que nous marchons selon la chair pour impressionner les gens ou pour les divertir plutôt que de les conduire à Jésus-Christ. Nous pouvons utiliser nos dons selon la chair afin d'être récompensés. Nous pouvons les utiliser pour gagner des faveurs ou à notre avantage. Par exemple, lorsqu'une personne prêche de façon dramatique, ou lorsque quelqu'un est très éloquent, ou encore lorsque quelqu'un a une personnalité charismatique, les gens pensent que ces personnes sont spirituelles alors que ce n'est peut-être même pas le cas. Rien n'a changé au cours des siècles. Déjà, Jésus avertissait ses disciples au sujet de ceux qui recherchent des signes et des miracles, ainsi que des choses extraordinaires. Il leur a dit, « Vous voulez seulement du pain. » L'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 26. Si vous voulez une église très remplie aujourd'hui, voici la recette. Écoutez attentivement, mais je ne critique pas qui que ce soit. Je dis simplement que nous avons le même problème qu'au temps de Jésus-Christ. Les gens veulent des signes et des miracles. Si vous voulez attirer une foule, parlez des dons de l'Esprit, des miracles, des guérisons et de prospérité. C'est une recette éprouvée. Ces choses font appel à notre chair. Réfléchissez à ceci. Notez la différence entre le fait d'aimer lorsque nous ne le sommes pas, le fait d'éprouver de la joie au milieu des épreuves, d'éprouver la paix alors que tout s'écroule autour de nous, le fait d'être bienveillant alors qu'on ne l'est pas avec nous, de savoir se maîtriser lors d'une tentation très forte, d'être fidèle lorsque l'on n'est pas loyal avec nous, et les dons variés, tels les langues, la guérison, la prospérité, les miracles. Il y a une différence énorme entre les deux. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne m'oppose pas aux dons. Je crois que Dieu fait prospérer ceux qui lui obéissent et qui marchent dans ses voies selon les principes bibliques. Il n'y a rien de mal à cela. Je dis simplement que le monde accourt un peu trop vers le surnaturel. Vous pouvez tenir une rencontre axée sur la guérison miraculeuse. Qu'est-ce que cela dit? Cela dit que vous pensez que le Seigneur Jésus n'est pas suffisant. Pourtant, l'apôtre Paul a dit que nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Notre but, c'est d'être rempli de l'Esprit et d'être soumis à l'Esprit. Ensuite, si Dieu fait des choses miraculeuses dans votre vie, merveilleux. S'il vous fait prospérer, merveilleux. Si vous êtes l'instrument de Dieu pour accomplir une œuvre grandiose, merveilleux. Cependant, ces choses ne doivent jamais être notre but ou notre objectif de vie. Nous ne devons pas rechercher ces signes. De nombreux événements se passent dans nos églises. Ils sont le fruit de la chair et non l'œuvre de Dieu. Je vous recommande, comme je le recommanderais à n'importe qui d'autre, de vérifier le fruit de l'Esprit, car les œuvres sont trompeuses. Peu importe ce que vous entendez dire au sujet d'une personne, peu importe qui fait une œuvre, vérifiez toujours le fruit de l'Esprit dans la vie de cette personne. Tout ce qui semble provenir de l'Esprit ne l'est pas nécessairement. Je vois et j'entends parler de choses que les gens trouvent fantastiques et fabuleuses. Je pense alors en moi-même, les gens, ne sont-ils pas heureux simplement en marchant selon l'Esprit? Ne sommes-nous pas satisfaits d'être transformés à l'image du Seigneur Jésus? Faut-il des choses pour nous stimuler? Voyez-vous, plutôt que de chercher à être remplis de l'Esprit et de marcher selon l'Esprit à chaque moment de notre vie et de permettre à Jésus-Christ de se manifester à travers nous, il nous faut quelque chose de plus. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous voulez quelque chose pour vous-même. Votre priorité absolue n'est pas la gloire de Dieu. Vous recherchez quelque chose qui va vous stimuler et vous faire sentir bien dans votre peau. Quelque chose qui va vous faire planer. Or, une vie dans la plénitude de l'Esprit ne correspond pas au concept que les gens s'en font en général. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel, ni un état émotionnel. C'est simplement demeurer en Christ Jésus. Cela peut vous conduire à une vie ou à un ministère fantastique. Cela peut vous tenir occupé jour et nuit, mais un ministère fantastique ne doit pas être votre but. Votre but doit être de marcher en soumission au Saint-Esprit et sous son contrôle, votre vie entière. La Bible ne nous encourage jamais à rechercher des émotions fortes. Elle nous demande de rechercher la présence de Dieu. Charles Stanley nous a rappelé que connaître Dieu doit être notre but premier. C'est alors que nous serons équipés pour les tâches qu'il nous confie. Une vie remplie de l'Esprit est une vie de foi. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous pouvons abandonner ce qui nous est cher et chercher la face de Dieu avant toute chose, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, tout tourne autour d'une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Tout ce qui a été dit aujourd'hui revient à dire que le Seigneur Jésus veut notre cœur avant toute chose. C'est là, nous voudrons lui plaire, et pour lui plaire, nous le supplierons de travailler dans notre cœur et de nous transformer à son image. C'est cette image du Seigneur Jésus en nous qui attirera les non-croyants au Seigneur. Dans Actes, chapitre 2, versets 42 à 47, notez ce qui attirait les gens au Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Notez que les chrétiens de l'Église naissante portaient ces fruits et que c'est ainsi que les gens étaient attirés à eux. Aujourd'hui, nous avons vu ce que le fruit de l'Esprit n'est pas. Être actif dans l'Église n'est pas nécessairement un fruit de l'Esprit, car un non-croyant peut être actif dans une Église. Ce n'est pas les dons spirituels ou naturels que nous pouvons avoir. Un non-croyant peut être doué naturellement. En fait, nous l'étions avant notre conversion. Le fruit de l'Esprit, c'est que l'Esprit produit en nous lorsque nous lui cédons entièrement les commandes de notre vie. À la prochaine émission, nous verrons comment reconnaître un chrétien rempli de l'Esprit ou ayant la plénitude de l'Esprit. Nous verrons qu'un croyant qui a la plénitude de l'Esprit n'est pas contrôlé par ses circonstances. Le fruit de l'Esprit est manifeste dans sa vie, même pendant les périodes difficiles et les périodes d'adversité. Nous verrons aussi que lorsqu'un chrétien rempli de l'Esprit pèche devant la souffrance, l'épreuve ou la persécution, il se ressaisit rapidement car il est sensible à la présence de l'Esprit en lui. Si vous désirez vivre une vie dans la plénitude de l'Esprit, vous devez recevoir le Seigneur Jésus comme sauveur personnel si vous ne l'avez jamais fait. Dites à Dieu que vous reconnaissez être pécheur et que vous acceptez le don de la vie éternelle que vous a procuré son Fils en donnant sa vie en rançon pour vous à la croix. L'Esprit Saint viendra habiter en vous et en autant que vous lui laisserez les commandes de votre vie, vous porterez ses fruits. Ensuite, réservez du temps dans la journée pour lire et méditer sa parole afin d'apprendre à le connaître davantage. La Bible est l'instrument de Dieu pour transformer votre vie. L'Esprit vous éclaire alors que vous la lisez. Ne négligez pas de parler à Dieu dans la prière pour le remercier de ce qu'il a fait pour vous et pour discuter de vos besoins avec lui. Car Dieu prend soin de ses enfants et il se tient prêt à vous donner tout ce qui est bon pour vous. Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.